Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour mes chers auditeurs. Parmi les sujets qu'on a tendance à considérer comme universels, qu'on se pense soi-même en situation de pouvoir le ressentir ou pas, l'un des sujets si peu investis politiquement et même sociologiquement, et non moins omniprésent sociétalement, c'est sans doute l'amour. Aimer, le verbe convoqué à toutes les sauces, pour les hobbies, les aliments, les gens, choses qui nous entourent, les fictions qui nous animent. Dans mon milieu militant et queer, c'est aussi un élément central qui semble sous-tendre la rage de se voir imposer tout un tas de normes, de catégories, et alimenter un puissant désir de transformation. C'est aussi un refuge, un temps du moins, jusqu'à ce que la cabane elle-même se mette à tanguer, à dévoiler ses failles, à se craqueler, qui sait, en laissant passer un vent d'incertitude, un air bien plus frais, gelé peut-être, qui peut même prendre des allures de tempête, menacé de nous submerger, à moins qu'on arrive à s'en extraire à temps, sortant en trombe, un peu ahuri, les yeux déjà en quête d'un autre toit, peut-être d'une autre matière plus stable, pour nous accueillir. La première chose que nous déconstruirons ensemble, c'est bien que l'amour est pluriel, qu'en dépit des visions culturelles en apparence homogènes qu'on tend à nous proposer, on en a tous des approches différentes. C'est un sujet qui parfois, sans qu'on le nomme directement, nous obstine, puisqu'il est au cœur de nos rapports au monde, aux autres, à nous-mêmes, à ce que l'on aspire ou non, comme une mesure des choses qui comptent et des choses qu'on tolère. Bref, un sujet qui, bon gré mal gré, nous traverse, nous questionne, et que nous sommes donc légitimes à vouloir prendre à bras le corps. Quelle place pour l'amour? Combien de formes peut-il prendre? Quelles sont-elles? Suffit-il? Nous habite-t-il tous? Aborder ce sujet dans mes podcasts fait suite à de nombreuses demandes autour de moi. Il émerge aussi dans un contexte où de plus en plus d'œuvres et de personnalités publiques, chercheuses, militantes, journalistes et autres, renversent le stigmate dévalorisant qui a longtemps collé à cette thématique et en font peu à peu un sujet central de société, allant parfois jusqu'à prôner l'amour comme nouveau paradigme politique. Et vas-y qu'on va renverser le capitalisme néolibéral avec ça. J'entame notamment ce cycle spécial autour de l'amour, après de nombreuses conversations informelles dans mon milieu social, pétri de relations polyamoureuses. Mais mon propre cheminement sur le sujet s'ancre également dans ma récente réception de différentes œuvres. D'abord, la saison 1 du podcast « Le cœur sur la table » de Victoire Thuaillon sur Binge Audio, et qui risque de souvent surgir au fil de ses interviews, d'autant que la saison 2 va bientôt reprendre, en juin. Il y a également la lecture de « La fin de l'amour », sortie en 2020 et produit d'enquêtes menées par la sociologue Eva Illouz. Et enfin, la lecture du roman graphique « La rose la plus pourpre s'épanouit » de Liv Strömquist. Je vous laisse donc voguer à travers ce premier collage entre des interviews de deux personnes polyamoureuses, Elio et Rosen, qui m'ont partagé tous les deux des visions vraiment très différentes de l'amour, avec un côté qui semblerait à première vue plus rationnel pour Elio, bien que non moins forte, et une intensité particulièrement chamboulante du côté de Rosen. On y entend leur découverte de leur polyamour, l'absence de code précis qu'il faut donc réinventer, les projections émotionnelles au-delà de ces différentes relations pour les relations de nos partenaires. Bien sûr, les legs culturels et familiaux ne sont jamais loin. Bien sûr, la question des différences entre amour et amitié ne pouvait échapper au filet de ces échanges. Et puis, parler d'amour fait parler de temps, de la place que ce que l'on aime faire ou passer du temps avec celles que l'on aime peut prendre ou installer dans notre vie, pouvant confronter ou questionner d'autres rapports, au travail notamment, avec Elio. Enfin, pourquoi est-ce que tu avais envie de parler de l'amour? Qu'est-ce que ça... Parce que c'est genre le meilleur sujet du monde. C'est genre, il y a toujours des trucs à dire là-dessus. Parce que quand j'ai des discussions avec des potes, on finit toujours, tu sais les discussions à 4h du matin, que tu sois bourré ou sobre, hein, à 4h du matin après une soirée, de quoi tu parles généralement? Soit politique. Soit les relations, que ce soit les relations de tes potes, des vraies relations qui existent vraiment, tu vois, genre un tel et une telle, qu'est-ce qu'on pourrait dire de leur relation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, soit les relations en général. Et j'ai l'impression que c'est le seul sujet qu'on n'épuisera jamais. C'est super bateau ce que je dis, mais on n'épuisera jamais ce sujet. On s'en sortira jamais si on n'a pas les clés. Non. Et en plus, quand tu rentres dans un nouveau niveau de conscience, en mode, oh, ça y est, tu découvres la non-exclusivité, ou tu ressors de l'hétérosexualité, alors là, t'as juste... T'étais dans ton petit pédiluve, là, et puis tu croyais que c'était dur, et là, d'un coup, tu plonges dans le grand bain. Au secours, tu vois, genre... Du coup, ouais, c'est pour ça, parce que je pense que j'ai plus de trucs à dire sur ça que sur autre chose, en gros. Mais parce que t'as pas besoin d'avoir d'expérience, en plus, t'as pas un CV. Même les gens qui ont jamais été en relation, ils ont des trucs à dire sur l'amour. Je trouve ça incroyable, ça, genre... Bon, t'as peut-être plus de trucs à dire sur l'amour quand t'as 60 ans quand même, tu vois, plus d'expérience et t'as plus de sagesse et de recul. Mais t'as quand même des trucs à dire quand t'as 13 ans, parce que t'as quand même des émotions, t'as quand même des trucs qui t'arrivent, t'as quand même des peurs. Donc t'as autant à parler que t'as 13 ou 16 ans, je pense. C'est juste la nature de ce que tu dis. Genre quand t'as 60 ans, c'est peut-être pour apporter une leçon, apporter une sagesse, apporter des trucs que t'as compris. Alors que quand t'as 13 ans, c'est peut-être pour parler de doutes, juste poser des questions, mais t'as autant à dire. C'est du vrai. Coup, voilà, c'est pour ça que je choisis l'amour. Et puis parce que c'est partout aussi. Ah ouais, bah oui. Dans les films et tout, enfin, même c'est si universel. Tu l'as pas vu. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. Extrait d'interview avec Elio. Alors on n'entend pas Elio se présenter directement dans ce podcast. Mais si vous souhaitez avoir sa petite présentation, elle est juste dans le podcast précédent, à la toute fin. Voilà. Et un autre truc que tu mentionnes, du coup, c'est le polyamour. Et c'est vrai que... Enfin, c'est un truc, au final, on voit beaucoup dans nos milieux queer qu'on fréquente, etc. Mais qui n'est pas pensé comme un axe de militantisme en tant que tel, parce que je pense qu'on fait encore vraiment cette distinction entre le côté politique de nos luttes et le côté... intime, enfin affectif, etc. à côté, alors qu'en fait, bah, tout est vraiment lié, rien que le fait, enfin, d'être polyamoureux, ça renvoie à une autre façon de penser ses liens affectifs, ses liens familiaux aussi, de faire famille, etc., qui sont pas dans un truc hétérosexuel normé, nucléaire, machin, et qui sont et pour lesquels on se fait aussi du coup, enfin, qui sont invisibilisés et pour lesquels on est discriminé aussi, enfin, exister en tant que trouble ou enfin juste relation polyamoureuse, enfin c'est hyper dur, enfin il y a zéro droit dans la société par rapport à ça, il y a zéro, et puis il y a zéro représentation culturelle aussi de ça, enfin de plus en plus, mais du coup c'est hyper, enfin ça doit être compliqué aussi d'avoir des références, je pense, de, enfin tu dis ouais, enfin le bail de la jalousie et tout, de comment on se situe par rapport à ça, parce que mais c'est toute la difficulté du polyamour, mais c'est ça qui le rend très fort aussi, c'est que en fait c'est effectivement un truc pour lequel on a très peu de modèles, et mais plus que peu, enfin moi j'ai grandi avec aucun modèle de polyamour. Ouais, d'ailleurs on grandit avec quand même un certain modèle d'amour bien précis et après on est dans la merde, j'ai le droit de jurer hein. Oui, tout à fait. Super. Sinon c'est la merde. Donc voilà. T'avais pas dit que je devais genre me présenter selon les oppressions? Ouais, si tu veux. Non, mais c'est comme tu veux. Moi, je pense que c'est mieux. Ok. De parler de où on parle. C'est vraiment un truc de gauchiasse de dire ça, genre, je vais commencer par parler de où je parle, mais c'est vraiment... Parole est située. Oui, voilà. Mais savoir situer. Donc, je suis une femme cisgenre, blanche, bisexuelle. Je suis en débat avec cette étiquette, mais okay. Bisexuelle, c'est très bien. Et neuroa, donc avec un trouble de l'attention et une maladie bipolaire. Et il y a quoi d'autre qu'on oublie souvent d'oppression systémique que j'ai pas dit là. Que j'aurais dit valide moteur par contre, ouais. Je sais pas si c'est un truc à dire. Ouais voilà, c'est ça qu'on dit. Ah oui, la classe sociale. La classe sociale, c'est super compliqué. Moi, je suis étudiante, donc je vis avec 170 euros de bourse par mois pour me nourrir. Mais mes parents sont de classe... souvent, j'ai envie de dire moyenne. Et puis, j'ai vu des... Enfin, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une pote qui a fait socio et éco et qui m'a dit, mais non, en fait, la classe moyenne, c'est grave inatteignable. Il y a peu de gens autour de nous qui sont de la classe moyenne, en fait. Donc, en fait, mes parents sont plutôt de classe, genre... Je sais pas comment on dit, genre... Bas de la classe moyenne. Je sais même pas si c'est en bas de la classe moyenne, ma mère fait 800 euros par mois si tu veux, donc bon. Ouais, voilà. Donc, une certaine forme de. Voilà. On vit, mais voilà. Ouais. Mais on n'est pas dans la classe. On n'est pas dans la classe populaire ouvrière qui galère non plus. Il y a pas de classe. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, bref, c'est trop long. T'inquiète. Mais du coup, avec quelle conception de l'amour t'as grandi, puisque tu dis que ça a toujours été là, quel que soit, enfin que c'est là, quels que soient les âges, et puis comment ça a évolué tout ça? Alors du coup, j'ai grandi, je pense, comme beaucoup de gens qui ont des parents hétérosexuels et monogames, avec une conception de l'amour hétérosexuelle et monogame. Je pense que t'en as parlé dans ton podcast pour la visibilité lesbienne, on a vu ces discussions chez moi, c'est pour ça que je m'en rappelle sur... mais en fait, on n'a pas de modèle non-hétérosexuel, la plupart des gens, sauf rare exception. Donc du coup, j'ai grandi avec ce modèle-là. Pourquoi je dis monogame? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui osent, enfin qui penseraient même pas dire monogame, parce que du coup, quand t'as cassé ce mythe-là, enfin quand t'as cassé ce truc-là, tu te rends compte à quel point c'était prégnant, en fait. Donc monogame. Et ça, c'est un truc que j'ai déconstruit il y a pas longtemps, fusionnel. Parce que tu peux grandir avec une conception de l'amour hétérosexuel monogame, non fusionnel. Mais moi, c'est, mes parents sont, en plus, je t'en ai un peu parlé avant du coup, très fusionnels. Et en plus, dans les films, on se rend pas compte, mais ton amoureux, que c'est quand t'as une maladie, c'est, ça devient ton aidant. Enfin, t'as un aidante. Quand t'as un problème, c'est ta première confidence. Quand t'as une joie, c'est aussi la première personne à qui tu vas en parler. Généralement, hein, tu peux avoir un groupe de potes, hein. Mais je sais pas, genre même mes potes qui ont un groupe de potes, mes potes meufs avec qui tu sais, genre elles ont un groupe Messenger ou sur lesquels elles vont tout le temps, elles parlent tout le temps, etc. Si elles ont une promotion ou une horreur qui leur arrive, elles vont en parler à leur groupe de potes et à leur mec, tu vois, par exemple. Et je prends un exemple hétérosexuel parce que je pense à une personne en particulier qui se trouve être une personne hétérosexuelle. Mais... donc, j'ai grandi avec cette conception de l'amour-là. Et... du coup, c'est très dur à faire évoluer. C'est vraiment très dur à faire évoluer. Et même quand politiquement tu l'as déconstruit, va le déconstruire intimement, en fait. Va rendre ça naturel, ta déconstruction, c'est très compliqué. Mais comme toute déconstruction, hein, je dis des trucs bateaux, là. Et voilà. Et ensuite, je suis arrivée dans les cercles queer. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'arriver dans des cercles qui n'étaient pas juste des cercles queer, mais des cercles... enfin, je sais pas, alors là, on va rentrer dans la terminologie de qu'est-ce qui est queer, qu'est-ce qui n'est pas, mais c'était pas juste des cercles où il y avait des personnes non hétérosexuelles, mais qui étaient des personnes qui étaient quand même exclusives, voilà, no shade, j'ai aucun problème avec l'exclusivité, hein, vraiment c'est un truc sur lequel je reviendrai, mais peut-être, mais qui étaient en plus des personnes, je sais pas, je suis arrivée dans le milieu queer de Bordeaux, où il y avait des soirées, où il y avait des polycules entiers, tu vois, je sais pas si polycule, faut que je définisse. Ouais. Alors polycule du coup c'est l'ensemble des personnes qui partagent un lien romantique, donc c'est pas forcément toi et tes partenaires, mais c'est toi, tes partenaires et peut-être même les partenaires de tes partenaires, tu vois. Et donc je suis arrivée dans des soirées où il y avait un couple qui arrivait ensemble, mais dans la soirée il y avait le partenaire de il y avait A et B, il y avait le partenaire de B et il y avait aussi un autre partenaire de A et puis peut-être des partenaires de C qui relationnaient, enfin tu vois, bref. Donc j'ai eu ce modèle là ensuite. Et voilà. Et c'est difficile à faire évoluer. Parce qu'en fait, t'as des réflexes, je pense. Après, ça dépend de tes caractères, ton caractère, ça dépend de tes traumas aussi, je pense. Et alors ça, je pense qu'on parle pas assez de... je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, on dit trauma-informed quelque chose. Et quand tu dis trauma-informed quelque chose, donc trauma-informed therapy, par exemple, c'est faire de la thérapie qui prend en compte les traumas, en gros. Trauma-informed, c'est qui prend en compte les traumas. Et je pense qu'on fait pas assez de trauma-informed love. On parle pas assez de... enfin, dans nos cercles, si, hein, tout le temps, mais... ouais. En général, on parle pas assez de à quel point les traumas que t'as eus, les conditionnements que ça a créés, conditionnent totalement ta façon de relationner. Et donc, moi, je me suis retrouvée en couple avec une personne, je pense qu'on peut nommer. On va l'appeler A, mais tous les gens qui me connaissent vont savoir qui je parle, mais genre, les autres, au moins, s'en rendent pas, je sais pas, bon, ça a aucun sens. Mais bref... c'est une personne qui est un mec cis et qui avait zéro connaissance des milieux queer avant de me connaître et encore moins du polyamour, etc. On était en relation libre dans le sens où on voulait pas trop s'engager au début, puis on est tombé amoureux, mais on était quand même libre, on pouvait quand même coucher avec qui on voulait, etc. Et on avait jamais parlé de si on pouvait être amoureux des autres gens, mais voilà, moi je lui parlais beaucoup de mes potes polyamoureux, etc. Puis je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, bordel. Et en fait, cette personne, je le sais aujourd'hui, et plus par exemple du fait de son caractère, du fait de sa personnalité, pas fait pour, mais vit beaucoup mieux le polyamour que moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé ou c'est pas faute de vouloir vraiment bien réussir à le vivre, c'est juste que j'ai beau lire beaucoup plus que lui, être traînée beaucoup plus que lui avec des personnes polyamoureuses, parler beaucoup plus avec mon partenaire, mon autre partenaire du coup, de polyamour, cette personne étant polyamoureuse depuis plus longtemps, etc. Juste naturellement, et 0% jaloux, par exemple. 0% jaloux de moi, et juste à la compersion facile. Compersion, je définis aussi ou pas ? Compersion, c'est l'inverse de la jalousie, donc c'est le sentiment que t'as de bonheur, de joie, quand quelqu'un que tu aimes est heureux. Et donc ça peut s'appliquer à l'amour, donc par exemple, tu peux être légit vraiment très très très heureux que t'as ton épouse, par exemple, parce qu'il y a des polyamoureux qui sont mariés, hein, ton épouse trouve... une nouvelle copaine, quoi, et être trop heureuse pour elle, sans faire semblant, tu vois. Parce que moi, je peux, pas fake la compersion, mais je peux savoir ce que je devrais ressentir, par exemple. C'est pas pour autant que c'est vraiment ce que je ressens authentiquement, 100%. Et A, là, par exemple, ressent de la compersion très fort. Genre, il est legit, faut que j'arrête de dire legit, mais il est vraiment heureux quand je rencontre quelqu'un de nouveau, quand ça se passe bien, que je passe un moment avec un autre partenaire, par exemple. Et moi, théoriquement, je sais pas, politiquement, je sais que c'est ce que j'aimerais ressentir, que c'est ce vers quoi j'aimerais tendre, et c'est pas pour autant que ça arrive. Parce que les traumas, parce que ma personnalité, etc. Donc voilà, le modèle que j'ai eu, c'était hétérosexuel, monogame et vraiment fusionnel. Et j'aimerais tendre vers quelque chose de différent, mais c'est dur. Et la partie fusionnelle, c'est important, je pense, d'en parler, c'est que t'as le droit d'être... t'as le droit, tu fais ce que tu veux, en fait. Mais tu peux être polyamoureux et pour autant pas avoir déconstruit ce truc-là de fusion. Par exemple, il se trouve que je me suis séparée de cette personne maintenant, mais quand j'avais, donc trois partenaires principaux, ça marche, mais genre on autre tout. Quand j'avais trois partenaires principaux et que j'allais très très mal, mon système de soutien, j'avais envie que ces personnes-là soient les premières à le savoir. Et que ce soit un d'elle qui vienne à moi. Et en particulier un d'eux qui se trouve être la personne avec qui j'avais ma relation était la plus resserrée. Et cette personne m'a fait remarquer, en fait, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Genre, je ne suis pas, t'as pas à venir à moi, en fait. Je peux très bien te refuser de l'aide pour diverses raisons qui ne sont pas mon amour, qui sont ma disponibilité émotionnelle, ma propre condition mentale. Et ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Mais en fait, pourquoi ton amoureux serait ton premier aidant ? Pourquoi je suis la première personne vers qui tu viens ? C'est pas méchant ce que je dis, mais juste pose-toi la question. Et je me suis posé la question et j'étais là genre, parce que les modèles en fait. Parce qu'il n'y a pas de modèle de film où il y a une personne qui est, qui brise que ça, qui est happily married, qui est vraiment genre mariée de façon heureuse à une autre personne et ils sont hétérosexuels et monogames. Mais par contre, ils brisent ça, genre il y a une personne qui a un accident de voiture, elle va pas appeler son mari, tu vois. Elle va appeler sa meilleure amie, tu vois. Je pense que c'est super rare. Et moi, j'ai pas en plus une meilleure amie d'enfance avec qui j'aurais cette relation où on se dit tout, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est un autre truc à déconstruire en plus, parce que ça a rien à voir pour moi avec... c'est un peu lié, je pense, à l'exclusivité, à la monogamie. Je pense qu'il faudrait... Ce serait très long de déconstruire ça. Hein. Mais je pense que c'est un peu lié quand même à l'exclusivité et tout, parce que ça doit être beaucoup plus facile quand t'es polyamoureux de comprendre que t'as pas une partenaire aidanteux, puisque déjà, t'as plusieurs partenaires. Mais je pense que c'est quand même, tu peux quand même être polyamoureux, parce que moi je l'ai vécu du coup, avoir trois personnes et te dire ces trois personnes-là, je suis 1, 2, 3 que je vais d'abord appeler et ensuite mes amis, tu vois. Pourquoi ? Pourquoi tu ferais ça ? Je sais pas. Ma pauvre, c'est plus à temps. comment est-ce que t'en es arrivée à cette, je sais pas si tu définirais ça comme pratique du polyamour ou à justement sortir de ce schéma fusionnel? Ah, je suis pas sortie, hein. Ouais, mais comment t'es passé du coup, enfin, est-ce que t'es d'abord passé par une phase à penser être comme tes parents, hétérosexuels, monogames et fusionnels, et ensuite petit à petit t'as fait péter chaque truc, ou c'est venu tout d'un coup? Ah ouais, alors tout est venu d'un coup. Si on peut estimer que un an et demi dans une vie c'est d'un coup, je pense qu'on peut estimer que un an et demi dans une vie c'est d'un coup, parce que j'espère que je vais pas vivre genre déjà j'ai vécu plus de 14 ans, mais si j'ai vécu 80 ans, un an et demi c'est rien, tu vois. Donc oui, c'est venu tout d'un coup en fait, parce que je suis rentrée d'Irlande où je vivais et j'ai fait un master genre, et donc en master genre c'est là que j'ai rencontré genre pas mal de gens. Je suis arrivée dans le milieu queer, donc je suis pas seulement arrivée dans le milieu queer, je suis arrivée dans le milieu polyamoureux. Donc moi, j'ai d'abord fait péter l'exclusivité, parce que je pensais encore être hétérosexuelle. Donc c'est d'abord l'exclusivité qui a pété dans ma tête. Et c'était pas politique, à la base, c'était plus... Bah, si, c'est politique de vouloir plus de liberté, mais j'en ai parlé avec... alors, je sais pas s'il est anonyme dans ton podcast, mais bah, tu comprends, c'est le cas, mais Elio, il se nomme. Oui. Donc j'en ai d'abord parlé avec Elio un jour. Enfin, c'est pas, j'ai vécu ça il y a longtemps, mais depuis j'en ai parlé avec Elio. Et j'étais là, genre, ouais, moi j'aime trop, je reviendrai jamais à la monogamie parce que j'ai trop besoin de liberté, tu vois. J'ai trop besoin de pouvoir avoir des flirts et tout partout. Et Elio m'a dit, ah, moi c'est pas pour ça, c'est pour pouvoir avoir des relations pleines de sens, meaningful et genre profondes avec plusieurs personnes, tu vois. Et j'ai capté que j'étais peut-être pas là pour la bonne raison. Donc, depuis je suis là, genre, est-ce qu'il y a une bonne raison, blablabla. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est beaucoup plus politiquement pertinent et recevable que moi. Genre, je trouve que la version d'Elio, enfin, je veux pas parler pour lui, mais il en parlera peut-être mieux que moi. Enfin, il en parlera mieux que moi, c'est sûr. Je trouve que c'est beaucoup plus recevable des gens comme ça qui te disent, ben non, en fait, c'est pas juste pour faire n'importe quoi avec n'importe qui et avoir une relation principale. C'est que moi, je veux que politiquement, j'ai plein de relations principales. Enfin, du coup, ça fait pas sens le concept de principal, tu vois. Et c'est pas du tout... Enfin, c'est pas dans les normes, en fait. Et du coup, ça demande une réflexion constante et énormément de communication, mais juste parce que personne n'a les codes de comment c'est censé se passer, et du coup c'est juste essayer de jongler en permanence sur, et je pense que ça amène à du coup beaucoup plus de compréhension et d'attention pour les gens avec qui tu relationnes, mais du coup c'est de la communication, essayer de capter ce qui va aux gens, ce qui leur va pas, comment on peut relationner pour que tout le monde se sente bien. Et en fait c'est très compliqué, mais ça donne un truc extrêmement fort. On grandit avec ça, enfin, c'est un truc très très fort aussi. Dans... Mais donc du coup, moi à la base c'était pour ça, c'était, j'étais avec, du coup je suis tombée amoureuse de A là, et lui cherchait pas du tout un truc sérieux, sortait d'une relation, enfin l'histoire classique on connaît, je sors d'une relation, je viens de me faire larguer, je suis sur Tinder, mais c'est pas pour chercher un truc sérieux, et moi c'était, ma vie est incroyable, c'est la première fois que je suis si heureuse, j'ai plein de potes, je suis dans les études que j'aime, tout me réussit, vraiment je suis en train de vivre ma meilleure vie. Il y a juste un truc qui me manque, c'est que des fois je me sens un peu seule dans mon lit, et je parle pas de sexualité, c'est juste vraiment d'affection, d'un truc romantique que je mettais pas en place avec mes potes. Depuis j'ai déconstruit la différence entre amitié et amour, mais ça c'est encore un autre truc. Et donc du coup je me mets sur OkCupid, je rencontre cette personne, on tombe même pas amoureux, et on se dit vas-y viens on lit une relation qu'on appelle une relation de spécial, on était spécial l'un pour l'autre, on sortait des cadres amis, on était pas amoureux. Et on, bah pourquoi être exclusive du coup? Donc du coup, d'abord j'ai vécu ça par cette relation qui n'était pas exclusive. Sauf que dans les faits, elle l'était, puisque ni lui ni moi on allait voir ailleurs. Moi j'embrassais des gens en soirée et j'étais genre, ah c'est trop cool. Donc j'ai d'abord déconstruit ce truc de je veux trop la liberté. Mais c'était un peu égoïste, comme, enfin, c'était à la fois politique parce que je suis une go, et donc du coup, politiquement, j'aime, enfin bon, bref, c'est, ça aussi un truc, c'est aussi lié, tu vois, genre, c'est pas juste je veux ma liberté. Je pense que quand t'es une go, dire je veux pouvoir embrasser qui je veux en soirée, c'est pas juste être égoïste, c'est vraiment sortir aussi de l'hétérosexualité et tout ça, bref. Mais lui, dans les faits, il prenait pas cette liberté-là, donc il y avait que moi qui le faisais, donc je me sentais grave égoïste. Donc je suis d'abord sortie de ça. Ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas hétérosexuelle, et donc je me suis dit, ça tombe bien de pas être exclusive, parce que si j'avais été exclusive avec A, il y a peut-être un moment de ma vie où je serais là, genre, c'est le moment où que je... Et je sais que ce moment serait arrivé où j'aurais été frustrée d'être perçue comme hétérosexuelle parce que la biphobie. Donc je marche avec un homme cis à ma main, enfin voilà. Enfin d'ailleurs un homme cis. Je marche avec un homme parce que si tu es avec tu marches avec un homme trans qui a un cis-passing, c'est pareil. Les gens te voient comme un couple hétéro, parce que les gens ne se posent pas la question dans la rue. Mais ben, mes potes queer, en fait, me voient... Enfin, je suis féministe, je suis vénère, je suis misandre, mais... Ouais, le soir, tu rentres avec ton mec cis quand même, quoi. Donc, je pense que ça me permettait aussi de me sentir plus légitime dans le fait d'être bi, tu vois, de me dire, genre... Bon, ça, c'est un gros problème qui est... C'est un autre sujet, c'est pas l'amour, c'est la biphobie. Donc, j'en ai parlé hier avec Sarah, donc c'est pour ça que j'en parle, que c'est frais chez moi. Mais donc, du coup, il y a ce bail de être polyamoureuse, ça m'aide aussi parce que j'aurai peut-être pas que un partenaire. Donc, si je tombe amoureuse d'un mec, c'est pas grave parce que ce sera peut-être pas que lui. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans un schéma de me marier, avoir des enfants, avoir un chien et donc passer pour hétéro toute ma vie et donc perdre cette partie de moi-même qui est vraiment pas hétéro, quoi. Donc, j'ai d'abord déconstruit ça. Je me suis retrouvée à pas être exclusive, ce qui était pratique parce qu'en plus j'étais pas hétéro et donc, genre, c'était trop bien parce que j'étais là, genre, ok, je sors des cases et j'avais trop l'impression de genre, j'étais contente de sortir des cases. Et après, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et là, c'est là, en fait, ça fait vraiment un an que tout a explosé parce que, genre, c'est très différent de genre dire ouais, je suis dans une relation pas exclusive et en fait, ça te sert juste à genre pécho des gens en soirée, ce que j'ai fait qu'une fois en vrai, donc. Ça me servait pas à grand chose. Ou à flirter avec des gens sur internet, ce que j'ai fait qu'une fois. Donc il y a eu que deux fois où j'étais là, genre, ah, si j'avais pas été exclusive, j'aurais pas pu le faire. Non, si j'avais été exclusive, j'aurais pas pu le faire. Et d'un coup, tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et te dire, ah ouais, je vais avoir deux relations. Et donc là, d'un coup, je me suis retrouvée à exploser ce bail-là de, ah ouais, mais en fait, mon partenaire, qui était la personne à qui j'allais raconter les trucs qui m'arrivent dans la rue, envoyer un message quand il m'arrive un truc marrant et tout. Maintenant, il y a deux personnes. À qui j'envoie le message quand je vois un oiseau marrant, quoi, tu vois. C'est genre trop bête comme exemple, mais c'est vraiment ça, tu vois. Genre, à qui je raconte quand il se passe un truc pas drôle avec mon patron et que j'ai envie d'en parler. J'ai la flemme d'envoyer deux messages. Vraiment, j'ai la flemme des fois. Et je vais pas copier-coller parce que je m'en sentirais trop mal. Et donc, tu te rends compte avec le à quel t'es plus fusionnel. Et là, faut déconstruire ce truc de punaise, ça veut dire que je l'aime plus. Et moi, j'ai eu des affres de culpabilité terribles où je me rendais compte que j'envoyais vraiment beaucoup plus de trucs à une personne qu'à l'autre. Bon, il se trouve qu'en plus, je me suis séparée du coup avec la première personne, donc c'était peut-être vrai pour le coup. Et donc voilà. Et en fait, le truc de fusionnel, c'est la dernière chose que j'ai déconstruite et c'est le truc qui m'a fait le plus mal à déconstruire. C'est vraiment quand j'ai été vraiment très très mal, là, il n'y a pas longtemps, et que mon partenaire a mis le holà, enfin, en mode genre, tu peux pas, en fait, là, tu viens voir que moi, genre, t'as d'autres, t'as un système de soutien. Mais c'est vers moi que tu viens, d'abord. Et c'est pas vrai, puisqu'en fait, je vous envoyais des messages à vous, vous saviez que j'allais pas bien, mes autres amis savaient que j'allais pas bien. N'empêche que... Si, mais... Et il m'a dit cette phrase, je pense qu'elle m'en voudra pas dire ça, et elle m'a dit, tu ne me fais pas bénéficier de la même liberté que tes amis. S'il y a un de tes amis qui te dit, genre, je suis désolée, je peux pas, tu t'en fous. Toi, je t'envoyais, en plus on n'était peut-être pas aussi proches pour que j'ose te demander ça, mais toi ou Charlie ou quoi, vous m'envoyez sur FACAP, désolé, on peut pas, mais on peut t'appeler, tu vois, par exemple. Je vous aurais pas dit, comment ça, vous osez pas prendre la voiture et venir dormir avec moi parce que je vais pas bien, quoi. Jamais ça me serait venu à l'esprit parce que juste, bah, vous me devez rien. Et ma partenaire, Sarah, m'a dit, mais moi non plus, je te dois rien. Et ça, c'est violent, c'est d'une violence quand t'as été élevée dans un truc hétérosexuel, monogame. C'est super vrai, super dur. Je te dois rien. Bah, enfin, si, on est ensemble. Bah ouais, mais non. Et alors là, et c'est là, j'étais là, genre, ouais, je me dis polyamoureuse et tout. En fait, j'ai rien compris. En fait, je suis un bébé. Ça, c'est... Et donc, du coup, ça, j'ai pas encore déconstruit, hein, de loin. Et en fait, j'ai aussi cette culpabilité de, est-ce que je suis vraiment polyamoureuse? Parce que mes relations, elles ont des variations très importantes d'intensité. Et alors là, c'est là qu'arrive l'intersectionnalité entre ma maladie mentale... Et l'amour. Parce que j'ai pas encore assez lu dessus, mais il se trouve que quand t'es bipolaire ou quand t'as un trouble borderline, il y a des... Je sais pas s'il y a de la recherche dessus, parce que j'ai pas encore assez lu, mais il y a assez de gens qui témoignent de ça, pour qu'il y ait des posts Instagram sur des comptes qui parlent de ça, pour que ça doit être un truc qui existe, qui témoignent de cette idée de... ça s'appelle favorite person, donc ça j'ai vu pour les personnes qui sont borderline, pour les personnes bipolaires, j'ai pas encore trop lu sur l'amour et la bipolarité, mais en gros, quand t'as des troubles de l'humeur, quand c'est si difficile de réguler ton intensité émotionnelle, ça vient avec une grande intensité émotionnelle en amour aussi. Et genre c'est fort, quoi. Et je pensais que c'était que moi, j'avais toute ma vie, je croyais que j'avais un problème là-dessus. Genre, j'aime trop les gens, mais vraiment trop fort, en fait. C'est pas normal, c'est pas possible. Et j'ai dit ça à mes partenaires toute ma vie. Et il y a eu plein de problèmes dans mes relations, tu vois. Il n'y a pas eu que ce problème-là, mais je pense qu'une des racines, un des trucs très profonds, si j'allais vraiment me faire thérapiser la tronche, là, si moi j'y pensais vraiment 2 minutes, et j'y pense, qui, comment on dit, underline en français, qui sous-tend tous les autres problèmes, c'est ça, cette différence d'intensité que je ressens ou percevais, que mes autres partenaires me disaient n'était pas vrai, qui aujourd'hui je me rends compte que si, en fait, mais elle était due à une maladie mentale et ça on le savait pas, ou pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont écouter ton podcast et dire mais c'est n'importe quoi, moi je suis bipolaire, c'est pas vrai, donc peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est juste moi. Mais et en fait, par exemple là, pour donner un exemple très précis, la personne avec qui je relationne le plus récemment, donc Sarah, quand on s'est rencontrés, c'était très très très intense. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais vécu ça. Alors peut-être que je dirais ça à chaque nouvelle relation et qu'on oublie en fait, mais c'était vraiment vraiment très intense. On échangeait, on avait un niveau de connexion qui était tel, enfin vraiment très fort. Et en fait, je lui ai dit cette phrase de type « J'ai l'impression qu'avec toi ça va être différent parce que j'ai jamais été aimée autant que j'aime. J'ai jamais été aimée par quelqu'un d'aussi intense que moi. » Et je lui ai donné des exemples de trucs que j'avais fait pour mes ex. Et elle m'a donné des exemples de trucs assez intenses, genre vraiment intenses, qu'elle a fait pour des personnes qu'elle aime, tu vois. Et donc je me suis dit « Ok, c'est bon. » Ça va être pour la première fois, c'est bon quoi en fait. Ça y est, je suis tombée sur quelqu'un qui est aussi intense que moi et quelqu'un pour qui je vais pas me dire à un moment de la relation non quand même là je l'aime vachement plus. Enfin, et en fait ça m'a rattrapée parce que c'était peut-être certainement de donc ce qu'on appelle la new relationship energy, l'énergie de la nouvelle relation, tu sais, ce moment un peu idyllique, un peu utopique de la début de relation où tu te regardes avec ta destinée dans les yeux, tu vas te marier, avoir 4 gosses et un van, tu vois. Et ça, ça descend. Mais c'est humain que ça descende. En plus, il faut savoir que cette relation s'est construite pendant le confinement. Donc à un moment, on n'avait rien d'autre à faire qu'être amoureux l'un de l'autre. Et qu'après, la vie nous a rattrapés. Donc c'est normal qu'on puisse plus être tous les jours amoureux l'un de l'autre. Enfin, on est tous les jours amoureux l'un de l'autre, mais on peut pas passer 7 heures à être amoureux l'un de l'autre, tu vois ce que je veux dire. Sauf que moi, mon cerveau, il veut pas l'entendre ça. C'est non, tu vois. Genre... Et en fait, du coup, ça m'a rattrapée. Et je me suis dit, oh merde, toute ma vie, c'est fini. Si même avec cette personne, ça marche pas, c'est que c'est moi le problème. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est moi le problème. Et puis, j'ai commencé à penser que j'étais peut-être borderline ou bipolaire, à aller voir des comptes Instagram et entendre ce bail de, oh là là, quand t'es avec une personne qui a un BPD, donc un trouble de la personnalité borderline, quoi, en anglais, ou avec une personne bipolaire, c'est intense quoi, ces personnes sont intenses en amour. Donc je me suis dit, ah ok, ouf, c'est pas que moi, bah super, ça me fait une belle jambe, je fais quoi maintenant? Je largue tous mes partenaires qui sont pas ça, et je trouve quelqu'un qui est BPD ou bipolaire parce que cette personne va m'aimer avec autant d'intensité? Ça me fait une belle jambe de savoir ça, qu'est-ce que je m'en branle en fait, enfin genre ok super, génial, allez. Donc y a ça dans ma façon d'aimer qui en plus rajoute une couche difficile. Comment tu vis le polyamour si tu dois être aussi intense avec plusieurs personnes? Ou si tu te rends compte qu'au final, t'es peut-être pas capable de le faire. Peut-être tu vas être intense qu'avec une seule personne et avoir d'autres relations, mais pour lesquelles tu seras moins intense. Est-ce que ça veut dire que tu les aimes pas? Est-ce que ça veut dire que t'es pas fait pour être polyamoureux? Est-ce que ça veut dire que les personnes borderline et bipolaires peuvent pas être polyamoureux? Et je suis pas la seule, en fait. Je connais des amis qui se posent la question de genre, est-ce que je suis vraiment polyamoureux si j'aime cette personne avec tellement d'intensité? Et si, ouais, à côté, j'ai des crushs, mais... Donc, politiquement, j'ai déconstruit. Mais déjà, même si j'étais pas bipolaire, hein, TDAH et tout, je pense que je galérais parce que j'ai des traumas qui n'ont rien à faire avec, enfin, qui n'ont rien à voir avec ça, et qui font que c'est difficile. Parce que j'ai vécu avec des parents, la fusion là-dedans, c'est compliqué, comme je te parlais, enfin, je te disais tout à l'heure, ils sont vraiment très fusionnels. Parce que, genre, autour de moi, j'ai des potes qui sont encore, bon, de moins en moins, hein, mais j'ai encore des potes hétéros qui vont se marier, tu vois, et qui sont exclusifs, tu vois. Même dans notre milieu queer, on a des potes exclusifs, ça change rien en fait, t'as le droit d'être exclusif. Hein. T'as le droit. Ouais, d'ailleurs, on va peut-être faire une parenthèse sur à quel point c'est ok l'exclusivité, ouais. Parce que là j'ai l'impression que ça va pas. Genre moi, j'ai aucun souci avec les gens qui... J'écoutais les gens qui doutent, du coup, justement. Et j'écoutais les gens qui doutent avec Navo. Je sais pas si tu vois qui c'est Navo. C'est la personne qui écrit avec Yann Kojandi. Et donc les gens qui doutent, qui est un podcast. Donc les gens qui doutent, c'est un podcast de Fanny Ruet et elle recevait Navo. Et Navo, il se trouve qu'il est polyamoureux. Et donc il en parlait. D'ailleurs, l'épisode avec Navo est incroyable. Vraiment, il est génial, il parle beaucoup d'amour. Et il disait, moi le problème que j'ai, c'est avec les traditions. Enfin, pas avec les traditions, mais avec les traditions et les gens qui les réinterrogent pas, quoi. Et donc il disait, j'ai aucun problème avec les gens qui sont exclusifs ou monogames. Juste pourquoi, quoi. C'est juste, ouais, voilà. J'ai aucun problème avec les gens qui sont monogames ou exclusifs, mais qui l'ont réinterrogé, se sont dit, ouais, mais non, en fait, ça me va. Là où j'ai un problème, c'est les gens qui sont monogames et exclusifs et qui le réinterrogent pas, et moi, par contre, disent que mon choix de vie, c'est de la merde, tu vois. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait la possibilité de découvrir des gens comme nous, des milieux comme nous, où il y a des polyamoureux, où il y a des gens non exclusifs, que ce soit polyamoureux, parce qu'il y a plein de polyamours aussi, enfin genre, que ce soit une relation libre, que ce soit une relation asymétrique avec une personne polyacceptante, que ce soit, enfin bref, etc., etc., tu vois. Et qui se rendent compte, waouh, il y a plein d'autres formes, waouh, ce que je le fais par tradition, pas par vraie nature de moi-même, qu'ils le tentent ou pas. Tu sais, genre, je ne demande pas de faire une période d'essai 6 mois reconduite type de polyamour, tu vois. Je leur demande de se poser la question. Enfin, je leur demande. Je ne demande rien à personne, déjà. Sauf aussi celle d'être moins con, mais ça, c'est un autre débat. Et qu'ils se rendent compte que ça ne leur convienne pas et qu'ils reviennent à la monogamie. Mais good for them, tu vois. Moi, je vais peut-être y revenir. J'en sais rien, tu vois. Dans 10 ans, je ne sais pas où je serai. Je pense que j'aurais du mal à être totalement exclusive maintenant. Mais, enfin, genre, j'ai aucun problème avec l'exclusivité. Il y a des gens... C'est leur bail, c'est leur vrai bail. Genre, on a des potes qui sont exclusifs. Je sais pas si tu vas les interroger, donc je les citerai pas. Mais on a un couple dans notre, dans notre groupe où je sais pas qui est encore exclusif. Je sais pas, toi, je t'ai posé la question. Non. Non. Juste eux deux, je crois. Il y a juste eux deux. Et genre, ils sont entourés de gens qui sont non exclusifs. Et eux le sont. Donc, c'est qu'ils se sont posés la question, tu vois. Genre, dans leur vie, peut-être avant nous, il y a eu des gens. Je sais pas s'il y a eu des gens avant nous. J'espère que non. Je suis grave jalouse. Mais je pense que c'est un truc à réfléchir et je pense que ça servirait à beaucoup de monde de juste se poser la question et de réfléchir sur la question parce qu'en fait, enfin, je pense qu'il y a d'un côté où je suis un peu persuadée qu'on est tous polyamoureux dans le sens où, en fait, on a des amis et des amants et c'est du polyamour en soi. Enfin, pour moi, c'est pas du tout dichotomique, c'est juste un spectre entre amour et amitié. Je sais même pas si c'est réellement... une ligne, genre en soi c'est un flou total d'amour et amitié, il y a des relations avec des amanteux que j'ai eues que je placerai à d'autres endroits peut-être bien plus éloignés de ce qu'on appellerait amour-amoureux que des personnes avec qui je me dis amie, enfin juste ça n'a aucun sens de faire la dichotomie entre les deux parce que les amours qu'on vit sont extrêmement différents et pour moi, enfin ouais je pense que tout le monde est polyamoureux dans le sens où enfin même dans nos relations amicales en fait genre on sait aimer plein de personnes en même temps. Enfin, les amis qu'on a, on les aime en même temps. Et pour les choses différentes ou parfois similaires qu'elles peuvent nous apporter. Et pour autant, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à penser, d'arriver à concevoir qu'on peut aimer d'un réel amour. Enfin, même si l'amour qu'on a pour nos amis est réel aussi. Mais je sais pas, genre, d'aimer amoureusement plusieurs personnes... Et je pense que juste ça remet en question plein de choses qu'on nous a appris, et y compris ce truc de jalousie que j'ai du mal à comprendre. Et souvent, quand je parle de polyamour à des gens, on me répond le fait que ce serait très difficile pour eux d'accepter que une personne aille voir... Enfin, la personne qu'on aime relationne avec une autre personne parce que ça briserait... Enfin, ce serait très difficile à vivre niveau confiance en soi et tout. Mais moi, s'il y a bien un truc que le polyamour m'apporte, c'est... Enfin, des fois c'est compliqué, mais aussi de la confiance en moi, parce que, enfin, faut juste voir le truc différemment, plutôt que se dire que la personne ne nous aime pas assez, entre guillemets, je cite ce que des personnes pourraient me dire, mais plutôt que de voir qu'une personne, qu'on ne suffit pas à une personne et que du coup elle va avoir d'autres personnes, genre voir le truc en mode, on est là, et quand bien même il y a d'autres personnes, on reste là parce qu'il y a un amour tellement fort qui est que cette personne peut relationner avec 10 autres personnes, mais elle t'aime tellement fort que bah, malgré le fait qu'il y ait 10 autres personnes, t'es toujours là. Et c'est en ça que je trouve que ça apporte de la confiance, et que la jalousie, bah, c'est... Enfin, ça... Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça serve beaucoup dans les relations, en fait. Et ni pour la confiance en soi, enfin, ça résout rien. Ouais. J'ai un peu l'impression, enfin, moi, que genre, la jalousie, c'est un peu une émotion aussi qui naît... Enfin, le fait qu'elle puisse naître à des moments très particuliers, pas forcément, enfin... J'ai l'impression que c'est vraiment un rapport par rapport à soi-même, de confiance, de moments où tu te sens instable. Enfin, où on se sent instable et du coup, à ce moment-là, n'importe quel comportement de l'autre personne peut nous renvoyer ça, alors qu'à d'autres moments, quand on est bien, bah, même si la personne elle relationne avec 10 autres personnes, on sait qu'on a un lien aussi avec cette personne et on ressent pas de la jalousie. Donc du coup, j'ai pas de problème avec l'exclusivité, et je pense même que l'exclusivité peut être très apaisante, très reposante, et le meilleur choix pour toi si c'est pas possible, que ce soit pour un temps dans ta vie ou tout le temps. Peut-être que genre... Moi, je vais y revenir par santé mentale à un moment, tu vois. Peut-être, j'en sais rien, en fait. C'est des variations émotionnelles telles, déjà d'être amoureux, déjà d'être en vie, c'est des variations émotionnelles telles. Quand tu rajoutes la bipolarité, vas-y, amuse-toi. Mais alors, avoir des... Déjà être en relation amoureuse, même monogame, quel enfer. Enfin, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis monogame, je devrais dire exclusive, j'essaie d'enlever ce tic de langage, mais... parce que la monogamie, ça vient de mariage, en fait, donc ouais. Normalement, techniquement, voilà. Et en plus, ça vient avec polygamie, qui est vachement connotée. Ouais, parce que moi aussi, à chaque fois, je dis plutôt mono que monogamie, mais j'arrivais pas à dire qu'est-ce qui me gênait dans le terme mono. Enfin, je voyais qu'il y avait un truc de genre, j'étais pas à l'aise avec ce terme, mais j'étais, ah oui, mais bon, en vrai, c'est ça. Enfin, genre, étymologiquement, c'est monogamie, c'est l'inverse de polygamie. Et polygamie, mais c'est parce que polygamie est très connotée. Ouais. Alors qu'il y a des... Polygamie est très connotée, on va le dire, c'est très connoté raciste, hein, tout simplement. Alors qu'il y a des gens blancs, les mormons qui peuvent être totalement blancs, sont polygames. Enfin, pas tous, mais il y a des mormons polygames. Et puis c'est connoté que d'un sens que... Ah bah oui, les hommes sont polygames avec des femmes, voilà. Alors, et en fait, il pourrait y avoir une femme, voilà. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que j'évite monogamie, parce que les gens, ils se disent... ils voient très vite, genre... Ah bah du coup, si t'es pas monogame, t'es polygame... bah déjà moi je suis mariée avec personne, donc techniquement je suis même pas monogame, hein, donc et toi non plus, Bastien 15 ans qui me pose la question sur internet, tu vois, genre mais donc ouais, c'est pour ça, okay, je préfère exclusif ça. Et mais peut-être que je dis de la merde et quelqu'un va non je sais pas, mais après en fait moi c'est pareil, genre j'utilise polyamoureux plutôt que mono et que polygame, mais par contre, genre, je dis aussi non exclusif, mais par contre, genre, je sais pas, j'ai l'impression que le terme, du coup, exclusif aussi, il est waouh, genre. Ouais, il fait très intense. Il fait vraiment, ouais, genre. Alors c'est mon alpha et mon oméga. Ben, on en revient à la fusion, tu vois. Alors que tu peux être exclusif en amour et. Mais d'ailleurs, en anglais, ils disent ethical non-monogamy, donc ils utilisent quand même monogamie, qui se traduit par donc de la non-monogamie éthique. Ce que moi, j'aimerais bien traduire en français par plutôt de la non-exclusivité éthique. Et qui regroupe toutes les formes de non-exclusivité, dont le polyamour, parce que le polyamour n'est pas la seule... En gros, t'es pas forcément polyamoureux quand t'es pas exclusif. Oui. Enfin bon, ça c'est des bails de... Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je viendrais de dire, parce que la dernière fois, je regardais sur internet une carte de toutes les formes de polyamour, et dans la polyamour, ils mettaient la non-exclusivité, alors qu'il y a des gens qui disent que dans la non-exclusivité, il y a le polyamour ou non, parce qu'être polyamoureux, c'est vraiment avoir des sentiments amoureux et romantiques pour plusieurs personnes. Bon, les gens sont pas d'accord avec ces charpes. Par exemple, tu vois, dimanche, on était au café Polia, et il y avait une personne qui était Polia et qui était aromantique, mais qui était genre avoir plusieurs relations avec un autre amour, mais qui... Enfin voilà, parce que après, ça dépend de ce que tu mets aussi. Je pense c'est comme la sexualité ou le romantisme, c'est aussi, on a des définitions différentes de chaque personne à chaque personne. Donc on peut se dire aromantique, alors que pour d'autres personnes, ce serait de l'amour, mais parce que c'est des personnes qui avaient beaucoup, beaucoup d'amour, mais je pense que quand elle dit... aromantique, c'est elle ressentait pas ce truc de coup de crush amoureux vraiment, ou avec des émotions qui l'a dépassé, etc. Et en fait, il y avait du coup, par exemple, moi j'ai toujours fait la différence entre poly-A et la relation libre. Donc, par exemple, pour moi, c'est plus, t'es plus dans un truc d'exclusivité où t'as effectivement ce truc de relation principale. Exclusivité romantique. Et et après, tu as d'autres relations à côté, sexuelles ou non. Et après, il y a aussi la différence avec, par exemple, le libertinage, où, genre, ou qui est plus une façon de d'avoir des relations, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros de pouvoir avoir des relations plutôt sexuelles. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est ça, mais je suis plutôt sur un instant, enfin un instant T, et pas forcément qui sont plus dans le temps, alors que le, je crois que le polyamour est plus à quelque chose où vraiment il y a des relations qui se font, quoi. C'est pas juste une... Sachant que tu peux être du coup polyamoureux et libertin. Ou polyamoureux et pas libertin. Voilà, et, exactement. Voilà. Il y a plein de... Oui, mais après, c'est des... Je pense des catégories qui se... dont on s'empare et qui changent aussi d'une personne à une autre. Et... Ouais, d'ailleurs, ça peut être super violent. Bon, voilà. Violent étant un bien grand mot, parce qu'il y a des types de violence et là, ça est quand même petit, mais moi, j'ai dit que j'étais polyamoureuse... Je pense que mes parents ont eu plus de mal avec mon coming out polya que mon coming out bisexuel. Ouais. Je pense que mon meilleur ami, par exemple, a eu plus de mal avec mon coming out polya que mon coming out bi. Il a été très cool sur la bisexualité. D'ailleurs, il m'a dit un truc genre, j'en étais sûre, c'était sûr que t'étais pas hétéro. J'étais alors, pardon, il m'a dit, c'était sûr que t'allais aller dans ces chemins-là, là. C'est quelqu'un de 6-7 qui traite pas du tout les mêmes lieux que moi. Et je sais pas pourquoi je dis que c'est encore mon meilleur ami, parce que c'est l'ami que j'ai depuis le plus longtemps, mais on est radicalement opposés sur plein de trucs, donc c'est vraiment très compliqué. Mais bref, cette personne-là, quand je lui ai dit que j'étais bi, avec un peu de... pas d'appréhension, mais... ouais, si, un peu... Il m'a dit genre, ouais, c'était sûr, t'allais aller, tu traînes avec des gens et tout, bref, voilà. Ce que je considère être, de, pour sa part, la version amusée de genre, bah, c'est sûr que t'étais pas hétéro, viens là, je vais te gratouiller la tête, et puis on va repartir sur ma moto comme si de rien n'était, tu vois. Ce qui s'est effectivement passé. Non, c'est pas vrai, on buvait un café chez mes parents. Allez, de romantiser l'histoire, tu vois. Mais par contre, quand je lui ai dit que j'étais polia, un jour par téléphone, j'ai eu droit au fameux genre, ah, tu vas pouvoir faire des plans à trois, tu vois. Ouais, direct, c'est... Bah non. Quelqu'un de pas sérieuse. Non, mais surtout, c'est direct, je vais pouvoir faire des plans à trois avec mes deux relations, c'était hors de question, mes deux relations se touchent, tu vois, genre au secours, tu vois. Donc c'est pas vrai, on fait pas forcément des plans à trois. On n'est pas forcément en trouble. Ouais, d'ailleurs, tu vois, genre, il y avait ce bail aussi, genre, il a immédiatement présumé que mes deux relations s'aimaient aussi et que du coup, on était en triangle. Alors que non. Et par rapport au fait que ce soit pas représenté, bah, fin, ça se ressent aussi. Enfin, il y a des trucs hyper normés, genre... Enfin, moi, par rapport à ma famille, je sais que bah, je peux pas présenter tout le monde. Et enfin, du coup... Ça, quand bien même c'est un amour, une façon d'aimer qui sort de la norme, bah en fait la société me renvoie quand même toujours à mettre des relations dans une norme, genre bah, je relationne avec Chloé et c'est Chloé que je présente à mes parents et je vais pas parler d'autres relations à mes parents alors qu'il y a des personnes que j'aime de ouf et à qui j'ai, enfin dont j'aimerais parler aussi, mais juste je le fais pas parce que bah, c'est pas pris en compte. Et à partir du moment où j'ai présenté une personne, je pourrais pas en présenter trois autres, enfin même si on n'a pas trois, mais voilà. Mais du coup oui, c'est compliqué tout ça. Donc ouais, l'intersectionnalité entre ta maladie mentale ou pas, je sais pas si je devrais dire maladie mentale, moi je considère que c'est une maladie mentale, mais du coup peut-être qu'il y a des gens qui préféraient pas. Donc ta neuroatypie, voilà. La neuroatypie et les traumas. Et je sais pas si ce sera un jour possible pour moi d'être... Il y a aussi un truc dont j'aimerais bien parler, c'est le fait qu'on... La bonne façon d'aimer, il y a une bonne façon d'aimer, tu vois. Et la bonne façon d'aimer, c'est intense, mais pas trop. Mais surtout, un peu quand même. Par exemple, tu sais ces bails de genre, la jalousie, ça prouve que t'aimes quelqu'un. Ou ces bails de genre, non mais cette personne est tellement détachée, elle est pas amoureuse quoi. C'est pas possible, il t'aime pas s'il te laisse aller voir ailleurs ou quoi. Je pensais avoir déconstruit ça. Je pensais vraiment avoir déconstruit ça, en sérieux. Hein. Et puis un jour, j'ai réfléchi. Ça m'arrive. Je me suis dit, je pensais à A là, donc dont on a parlé. Et j'étais là genre, à A et à toutes les personnes qui sont... et c'est trash ce que je vais dire, j'en ai conscience, vraiment polyamoureuse. Sous-entendu, alors que c'est faux, hein, genre il n'y a pas des vrais ou des faux polyamoureux, genre je suis polyamoureuse si je décide de m'autodéterminer comme telle et que dans les faits je suis pas en vrai totalement genre exclusive avec, tu vois, genre. Bref. Mais tu sais, ces gens comme donc A et ma autre partenaire, qui est toujours mon partenaire, qui vivent, qui sont vraiment genre. Ils sont vraiment chill, tu vois. Genre, A, je lui disais genre on va pas se voir parce que j'ai besoin de voir genre mon autre partenaire, Sarah. A était genre. Cool, passe un moment, j'espère que ça va bien se passer, tu vois, genre... Sarah, je lui ai dit genre, oh, je fricote avec quelqu'un d'autre. Alors qu'en plus, le polyamour, c'est un point de tension dans notre relation parce qu'il y a la peur que le jour où lui tombera amoureux de quelqu'un d'autre, ça soit pas du tout tranquille de mon côté, tu vois. Alors que moi, je fricote avec plein de gens, tu vois. J'ai toujours peur qu'un jour, elle soit un peu mode genre, alors je suis tranquille, je suis contente pour toi et have fun, tu vois, amuse-toi. Mais c'est dur pour moi de te voir fricoter avec des gens alors que moi, le jour où je tomberai amoureux, tu vas me faire... Enfin, ça va être dur, quoi. Mais ces gens-là sont vraiment chillos, tu vois. Genre, Sarah, c'est jamais arrivé ce point-là encore. Et elle est vraiment, genre, heureuse. Et elle me pose même pas de questions de type... est-ce que t'as couché avec cette personne? Si oui, est-ce que tu t'es protégée pour me protéger, tu vois? Parce que ça, c'est aussi un bail, tu vois. Et elle est vraiment, genre... ok, c'était cool. Ah, ok, ça t'a plu. Ok, bah viens, on va faire des pancakes, tu vois. Genre, ces gens sont vraiment chillos. Et donc, un jour, je réfléchissais à... moi, c'est vers ça que je vais tendre, normalement. Et ben j'ai eu un moment de recul dans mon cerveau de ah j'ai comme si j'avais pas envie d'être aussi chill parce que ça voulait dire que j'allais perdre mon intensité émotionnelle ailleurs. Je comprends. Alors que c'est faux. Et en fait ce vers quoi je tends c'est ce niveau de chillance là quand les autres quand les personnes que j'aime iront voir d'autres personnes qu'elles aiment, voir pouvoir avoir un repas avec tu sais genre pas de soucis tu vois avec les autres le polycule machin. Mais par contre quand je vois les personnes que j'aime toujours avoir... Parce que moi, je suis capable de pleurer de joie quand je vois une des personnes que j'aime conduire. Hein. On en est là, tu vois. Donc, c'est émotionnel. Genre, Sarah conduit sa bagnole, je suis là genre, oh là, t'es trop beau et je peux pleurer de joie. Je peux... J'ai pleuré de joie en passant mes mains sur le bras d'un de mes partenaires parce que la lumière était magnifique au début de ma relation avec Archie, tu vois. Voilà. C'est ça, mon intensité émotionnelle. C'est ce genre de bail. Et ce vers quoi je tends, c'est pas perdre ça, mais enlever l'intensité émotionnelle que j'appelle négative, de type genre... ça va faire de l'intensité émotionnelle aussi quand je suis triste, tu vois, du coup. Du coup, c'est un bail de tristesse très fort aussi. Mais il y a eu un moment de recul dans mon cerveau de type genre, ah, ce serait plus les aimer vraiment, tu vois. What the fuck? Genre, si, en fait, tu sais que politiquement, théoriquement et tout, c'est ça que tu veux. Donc, ça, c'est un truc qu'on devrait déconstruire aussi. Il faut qu'on arrête de montrer aux jeunes, il faut qu'on arrête de montrer aux gens, même aux vieux, en fait, il faut qu'on arrête de montrer aux gens des gens qui s'aiment à en mourir, tu vois. Ouais. Bon, il faut pas non plus qu'on montre que l'amour, c'est toujours calme, parce que sinon, on va encore jeter le stigmate sur les personnes neuroas en mode genre t'aimes trop tu vois parce que moi j'ai déjà ça alors que les représentations romantiques et sexuelles dans les productions médiatiques et culturelles sont des représentations romantiques intenses ça m'arrive quand même d'entendre quand je raconte ma façon d'aimer ouais mais t'es folle tu vois bon pas, peut-être pas dit comme ça mais ouais mais attends c'est chaud ou c'est chaud tu vois. Mais il faut qu'on trouve un moyen d'avoir des représentations amoureuses, romantiques et sexuelles qui soient genre plus chill, tu vois, plus tranquilles. Sans que, comme je disais, ça nous retombe dessus, nous, personnes neuroas ou psychoas qui pouvons avoir une intensité émotionnelle grave forte, tu vois. Je sais pas comment on va réussir. Francis, tu as tant de choses à dire, mais le tout reste enfermé. Et quand tu ne sais plus quoi dire, tu te mets à pleurer. Mais ça, ton public le voit pas, tu l'incites à rêver pendant que toi, tu le regardes. Francis, les mots restent bien coincés devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer. Mais toi, tu sais pas comment t'y prendre, ta gorge resserre et ton cœur bat de plus belle alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Francis, je m'en vais bientôt et je pense très très fort à toi pendant que mes doigts au piano jouent tout ce que je te dois. Et rappelle-toi que tu peux avoir le monde à tes pieds si tu te laisses pas abattre par ceux qui te laissent de côté. Et moi je t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Le problème, problème, c'est que c'est pris dans l'ensemble du système d'oppression qui, en fait, je pense, construit ce truc de très... très fusion, etc., pour maintenir un certain statu quo et pour maintenir un certain idéal de famille, de monogamie, de trucs. C'est vrai. Enfin, tu vois, il y a tous ces schémas, genre, patriarcaux et tout derrière. Voilà, de, c'est une façon de maintenir, de contrôler les filiations, les, tous ces, il y a tous ces, ces trucs de pouvoir derrière. Donc, du coup, on continue à être abreuvé de tous ces schémas-là qui nous poussent à ça et en même temps, à être de plus, en plus fustigé, à s'obliger à se fustiger parce qu'on a l'impression que ça vient de nous-mêmes alors qu'en fait, ça vient des codes qu'on a reçus. De ressentir, du coup, d'aspirer à ces schémas-là et d'aspirer à ça, et que du coup, on est tout le temps tiraillé entre le côté très encadré et très romantisé de genre toute la puissance de l'amour et tout comme ça devrait être, et à côté de ça, avec le truc très néolibéral de individualiste de ah, mais non, mais en fait, on doit être détaché complètement, et du coup, bah, c'est super difficile en étant tous socialisés comme ça, et en plus, parce qu'en fait, on, justement, on voit, je trouve que c'est. C'est ça qui ressort aussi quand on quand je fais ce genre de démarche d'aller recueillir des témoignages différents sur le même sujet qu'est l'amour et qui est un peu, je sais pas si t'as écouté les, Le cœur sur la table de Victoire Tuillon, mais tu vois c'est un peu ce qu'elle fait aussi et en fait on voit qu'en fait on a l'impression qu'on parle de la même chose et en fait pas du tout, on a les mêmes codes mais on les reçoit pas de la même façon selon bah, nos neurones, selon notre background social, le modèle familial qu'on a, selon les émotions qu'on vit, les traumas, etc., comme tu le dis. Et du coup, on a l'impression qu'on parle de la même chose, et non. Et du coup, en fait, ça crée des trucs, des points de friction, où en fait, c'est très difficile de trouver des personnes avec lesquelles on va pouvoir... partager ça et se comprendre et avoir le même, les mêmes attentes en termes de ok, j'ai besoin que tu montres autant de présence émotionnelle et en même temps j'ai besoin qu'à tel moment ça soit plus respectueux de la zone de confort de chacun et en fait il y a vraiment cette espèce d'impensé que genre en fait l'amour on voit tous de quoi on parle et du coup il y a que ces deux pôles là alors qu'en fait il y a plein de combinaisons différentes et c'est très très dur et le problème c'est que du coup on en fait un problème personnel parce que bah, c'est toujours le même bail de cette institution-là qui nous oblige à intérioriser des problèmes qui, en fait, sont de ceux dans quoi on baigne, quoi, constamment. Mais est-ce que tu penses pas... Je reviens sur la première partie de ce que tu disais qui, moi, m'a... Ah, waouh, grave. L'intensité qu'il y a dans les relations amoureuses, dans les médias, les représentations médiatiques et culturelles, les productions culturelles, dirait l'autre, c'est pour maintenir une structure familiale, etc. Là. C'est grave intelligent, c'est grave politique, j'avais pas pensé à ça, merci. Mais est-ce que tu penses pas, du coup, que même si on dépasse ça un jour, on n'y arrivera pas, hein, pas de notre vivre, toi et moi, mais la pessimiste. Mais est-ce que tu penses pas que si on dépassait ça, il y aurait plein de films et tout avec des polias et qu'il y aurait quand même l'intensité? Est-ce que tu penses pas que ça dépasse ça? Je suis d'accord que ça vient de ça, mais franchement, ça va, on va pas... De l'intensité, je... Parce oui, que pour non, faire mais du cinéma, faut qu'il y ait ça, tu vois. On est aussi des êtres avec des émotions, etc. Après, qu'est-ce qui est de... Je sais pas, de l'ordre de l'émotion naturelle et l'émotion sociologique, enfin, c'est comme tout, enfin, ça s'entrecroise, il y a des siècles derrière nous qui ont appris à ça, ça. Donc, oui, sûrement, enfin, il y a plein de choses, c'est juste que je pense, en plus, en fait, c'est comme la poule et de l'œuf, genre, est-ce que, c'est parce qu'on avait, enfin, parce qu'on y avait, on était des êtres avec beaucoup d'émotions, etc., et que le système de pouvoir a capitalisé là-dessus en disant, ok, on va utiliser ces émotions très fortes pour les canaliser sur tu la mets sur une personne en couple monogame, etc., on va utiliser ça pour ça, ou est-ce que c'est lui qui l'a construit? Je pense qu'il y a un peu de... Il y a un peu des deux, mais... Je pense que de toute façon, c'est très difficile de sortir de ça tant qu'on est dans ces schémas-là. Enfin, nous, déjà, on est en train de se poser ces questions en tant que personne polyamoureuse, mais en fait, dans le gros de la société, c'est encore pas... C'est encore loin d'être... Enfin, l'exclusivité encore la norme dominante, donc c'est ça encore me fume limité. que l'exclusivité soit encore la norme dominante quand tu vois le nombre de... J'ai l'impression que quasiment... Ah, c'est hypocrite, ça. Mais oui, mais quasiment 70%, je sais pas, en fait, je sors des chiffres de mon cul. Hein, mais... J'ai l'impression que beaucoup, voilà, c'est mieux qu'un chiffre. beaucoup des productions qui sont basées autour d'une histoire d'amour, des comédies romantiques, etc., le point de enfin le comment on appelle ça le point de tension où tu sais quand t'as la situation initiale et le qu'on appelle ça je sais plus enfin bref dans le schéma narratif là la situation initiale le problème quoi ouais, le problème voilà. Tout ça c'est souvent beaucoup autour de une tromperie ou oh merde, peut-être j'aime quelqu'un d'autre ou oh merde, cette personne me plaît aussi. Genre, quand est-ce que les gens vont capter, tu vois? Ouais. Ben, en même temps, on a, parce qu'on n'aime pas ça, et moi je pense, et c'était, je voulais te ramener aussi par rapport à ça, parce que t'as dit qu'on en parlerait, et je pense que c'est important d'en parler, c'est du coup la différence amour-amitié que t'as dit, que oh là t'as là aussi déconstruite aussi. Quel enfer. Mais je pense que c'est lié dans le sens où, c'est aussi parce que on a encore cette, c'est ça aussi, c'est très construit, de cette, l'amour qui serait unique, etc., fusionnel, machin, c'est un certain amour, qui serait différent de l'amour familial et de l'amour amical et de, d'un autre type d'amour, je sais pas, pour ton animal ou ouais, autre chose. Alors qu'en fait, bon, ça c'est très situé déjà culturellement et sociétalement. Ah oui. Et qu'en ouais fait, c'est aussi ça, c'est que on a aussi enfin, en fait, on pourrait très bien, même dans les productions culturelles, etc., ou dans tout ce qui nous entoure, on voit qu'on a aussi ce genre de sentiments, ce genre de problèmes, même avec des amis, même parfois avec, dans nos familles, de bail de jalousie, de qui aime plus, etc. Mais c'est moins... on met pas l'accent là-dessus, tu vois. Et on va pas parler d'exclusivité, on parle moins d'exclusivité dans ces autres types d'amour-là. Alors qu'en fait, les questions, elles se posent aussi. Et du coup, bah, je sais pas, on met vraiment le projecteur sur... ça, c'est un problème par rapport à l'amour. Et du coup, on en fait vraiment un truc à part. Et ça empêche, je sais pas, de prendre en compte qu'au final, c'est peut-être juste une façon de... C'est peut-être juste nos relations, de manière générale, qui sont hyper complexes. Et du coup, il n'y a même pas de sens de l'exclusivité ou de la non-exclusivité. Ça, enfin, empêche, je sais pas, ça a du sens, vraiment. Ce que tu dis, ça a grave du sens. Ça me rappelle ce que je disais l'autre jour, hein, la conversation qu'on a eue, de genre, moi, plus je vieillis, là, la seule chose que j'apprends, c'est que tout est complexe. Que rien n'est simple. C'est la seule chose dont je suis certaine maintenant, c'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Là. Je ne sais pas qui c'est, là, Sénèque ou... Sénèque ou je peux aller. En fait, on attribue cette citation à Socrate. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ou que tout est complexe. Mais après, est-ce que c'est... Je pense que nos relations amoureuses ont beaucoup à apprendre de nos relations amicales. Et inversement. Et j'avais lu le texte de Nantené Traoré, la féministe Tanks, sur Instagram, et il avait écrit sur ça, là, sur la différence amour-amitié. Moi, ça commence à me gratter en ce moment, me gratter le cerveau, tu vois. Pendant un moment, c'était l'exclusivité, le polyamour, c'était à ça que je pensais le matin en mangeant mes céréales et à ça pendant que je faisais mon insomnie, tu vois. Là, c'est la différence amour-amitié, je pense, quand c'est pas mes problèmes personnels, tu vois. Ou quand je suis pas en train de penser à l'organisation de la Pride, mais... ou à l'accessibilité, ouais, il y a beaucoup ça aussi, mais... Et du coup, toi, t'as toujours su que t'étais polyamoureux, ou ça fait... Non, bah, en vrai, ça doit faire un an, tout pété, que j'en ai pris conscience. Et avant ça, j'ai grandi, socialisé comme toutes les autres personnes, donc c'était, pour moi... Enfin, inenvisageable, et la première fois que j'ai relationné avec une personne qui était polyamoureux, ben moi, enfin, je l'étais pas, et du coup c'était en mode, enfin c'était ok pour moi de ne pas l'être, et de et lui le a laissé vivre ses relations non exclusives, et ça a été ma première entrée là-dedans, et encore c'est pas vraiment une entrée, parce qu'encore une fois j'étais ok avec le fait que moi je pouvais pas vivre de relations non exclusives. Mais ça a été une porte d'entrée dans le sens où j'ai commencé à y penser, à le déconstruire. Et en fait, je pense que ça parle très vite. Et quand j'y repense, enfin, je sais pas, la dernière fois, j'ai reçu un message de ma meilleure amie d'enfance quand on était au primaire. Et en fait, quand j'étais au primaire, j'ai relationné avec tellement de mecs. Et ça n'avait aucun sens d'ailleurs. Mais il y avait un truc, enfin, je pense que si j'étais restée honnête avec moi-même, genre, effectivement, j'ai toujours pu crusher sur énormément de personnes à la fois, genre, vraiment beaucoup, et même avec... Enfin, on était gosses, tu vois, mais avec ma meilleure pote, enfin, des fois, on était amoureux de la même personne, et on était là, c'est ok, on se partage cette personne, et on était en primaire, et pour nous, c'était ok, il n'y avait aucun problème avec ça. Et même par la suite, c'est resté ce truc d'aimer beaucoup de personnes très très vite et très très intensément, et du coup, à la fois... Non, j'ai pas pris conscience depuis toujours que j'étais polyamoureux, mais en vrai, si j'y réfléchis, enfin moi dans ma façon d'aimer les personnes, oui c'est un truc qui suit une façon d'aimer que j'ai depuis toujours quoi. Et du coup c'est cette première relation de cette personne qui était polyamoureuse qui t'a fait prendre conscience de ça, ou il y a d'autres choses qui ont joué, ou ça... je sais pas si elle m'en a fait prendre conscience. Je pense que ça m'a aidé à y réfléchir. Et après, c'est juste à un moment, genre vraiment ça s'est imposé parce que je relationnais avec une personne plus tard et je crois que j'ai rencontré Dilili à ce moment-là. Et c'était inenvisageable dans ma tête d'arrêter de relationner avec cette personne parce que je rencontrais Dilili, ou d'arrêter de relationner avec Dilili parce que j'avais rencontré cette personne. Enfin, juste, j'étais là en mode, je vais pas hiérarchiser, je vais pas faire de choix, donc ça se fera comme ça. Et en fait, ça s'est trop bien passé. Enfin, ça s'est... Oui, juste ça s'est fait, quoi. Et en fait, c'est des relations... Enfin, encore une fois, ça peut être assez difficile à construire parce qu'il y a tout à repenser, mais ça amène tellement d'autres façons de relationner et y compris... Enfin, en fait, ça amène un mood de bienveillance générale, j'ai l'impression. Enfin, même là, ma copine relationne avec une autre personne, mais en fait, enfin moi, ça m'inquiète aussi de savoir comment cette troisième personne vit la relation. Est-ce que moi je fais les choses bien pour que elle aussi le vive bien, et quand elle est mal, ça me rend terriblement mal aussi, et y compris pour Chloé qui est mal. Enfin, en fait, il y a un truc que quand bien même moi je relationne pas avec cette troisième personne, on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui est mal, les deux autres personnes sont mal aussi, parce que si on relationne, c'est pour que tout le monde se sente bien. Donc c'est un mood de bienveillance et de communication, enfin moi, qui m'importe vachement en tout cas. Mais tu crois que c'est lié, enfin il y a aussi sûrement les trucs qui sont aussi de ta personne qui est dans l'attention aussi aux gens et à éponger aussi les émotions des gens, et du coup le fait qu'en plus ça soit une personne qui est chère à une des personnes avec qui tu relationnes doit jouer aussi. Mais est-ce que tu penses que je sais pas si toutes les personnes en polyamour n'ont pas l'air forcément d'être dans le même soin aussi aux autres relations de leur relation. Je pense que, je sais pas. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'après moi, ça s'est mis en place aussi parce que cet été justement, j'étais dans une relation, on s'est retrouvés dans la situation où on partait en vacances potentiellement avec ma relation et l'autre personne avec qui cette personne relationnait. Et au début, en fait, je l'ai très mal vécu. Enfin, j'étais pas prêt pour ça. Et du coup, cette troisième personne est juste venue me parler et me dire, genre, en mode, ok, on relationne pas ensemble, mais genre, enfin, quand même, il y a un truc qui fait qu'on est liés. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas ok pour toi, dis-le moi et je le prends en compte, parce qu'en fait, genre, juste de considérer tout le monde. Quand elle m'a dit ça, j'étais là, mais waouh, ça m'a fait tellement de bien. Et j'étais là en mode, ok, je suis ready pour partir en vacances. Enfin, ça a vraiment libéré un truc. Et c'est la première fois que je voyais autant de bienveillance, entre des personnes qui aimaient juste la même personne. Et ça m'a fait tellement de bien que du coup, je pense que c'est un truc que j'essaye de reproduire, avec les autres, quoi. Je pense que la différence amour-amitié, elle peut nous faire passer à côté de relations qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Moi, il y a quelqu'un que j'ai perdu, hein, comme ça, vraiment. On s'est passé à côté. Et après, il y a eu des problèmes dans notre groupe, et donc du coup, des bails de harcèlement, et donc du coup, on a mis fin à la relation pour plein d'autres raisons, du coup, au final. Et ça s'est très mal fini, nonobstant notre relation interpersonnelle qui était déjà complexe. Mais j'étais en relation, oui et non. Enfin, c'est marrant comme on dit j'étais en relation quand du coup c'est un peu romantico-sexuel et pas quand c'est amical. Techniquement, toi et moi on est en relation, enfin, tu vois. Donc j'étais en relation avec cette personne. Et à un moment on s'est demandé, et je suis sûre que si je raconte cette histoire à mes potes de lycée qui sont pas du tout dans les mêmes bails que nous, ou mes parents ou des gens d'une autre génération, ils vont s'arracher les cheveux en mode genre, mais n'importe quoi, vous saviez, tu sais. Parce que j'ai pas fini ma phrase, donc ça a pas de sens. Je reprends. on s'est demandé à un moment, est-ce qu'on est... qu'est-ce qu'on est ? Et cette personne et moi n'arrivions pas à le définir. Genre, je crois que je t'aime plus que comme une amie. Et elle me disait aussi, je crois que je t'aime plus comme une amie. Je peux pas ressentir autant de... Moi, j'étais là, je disais à cette personne, je peux pas avoir envie de... C'est-à-dire que je dis beaucoup à mes amis parce que j'ai beaucoup de ça en moi. Et la meuf est un peu sanguine, tu vois. Genre, si quelqu'un te touche, je le tue, tu vois. Cette phrase, je la dis beaucoup. Sauf que je la pense pour peu de personnes. En vrai, je vais pas tuer des personnes, tu vois. Genre, soyons honnêtes. Pour cette personne, et c'est re-arrivé depuis avec une autre amie, hein. C'était vrai. Quelqu'un retouchait à cette personne, je répondais plus de rien. Et j'avais des élans d'amour pour cette personne, que ce soit de l'amour amical ou pas, je n'ai jamais réussi à le savoir. Qui était... J'avais envie de pleurer des fois aussi, tu vois. Mais... on n'arrivait pas à se dire, ok, c'est romantique. Parce qu'il y avait quelque chose qui... Il n'y avait pas quelque chose d'autre. Et alors après, je me suis dit, ok, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas le sexuel, tu vois. Mais j'étais là genre, non, Rosane, ça ne peut pas être ça. Parce que tu as déconstruit, maintenant, que les personnes ace, ça existe. Et que la sexualité n'est pas vecteur... Enfin, la sexualité n'est pas caractéristique de l'amour. Et que donc, ça ne veut rien dire, c'est pas toujours associé. Et il se trouve que cette personne était une personne ace en plus. Donc, je savais bien que ce n'était pas ça. Et depuis, pareil, j'ai eu cet autre bail avec une autre amie où je me suis demandé, est-ce que je crush sur toi ou pas ? Pas d'infos, comme dirait dans notre relation. Et pareil, depuis, j'ai aussi une relation, donc j'ai une relation amoureuse très forte, fusionnelle, blablabla. Donc je disais, j'ai une relation... pendant un moment, j'ai eu deux relations principales, amoureuses, etc. Maintenant, j'en ai plus qu'une, mais j'ai encore d'autres relations autour. Et une de mes autres relations, là, actuellement, c'est quelqu'un où on a des variations d'intensité. Moi, j'ai des variations d'intensité, en tout cas. Là, en ce moment, c'est assez fort. C'est plus que de l'amitié, je le sais. Si cette personne m'envoie un message tout à l'heure, c'est la personne dont on parlait avant, en mode, oui, je crois que j'ai envie de terminer notre relation ou de revenir que de l'amitié, ça va me faire mal très fort. Donc, je sais que c'est pas que de l'amitié. Cette personne, quand je la vois, j'ai pas envie de juste être en train de boire un café. Et encore une fois, je sais que le sexe, ça n'a rien à voir. Je suis pas en train de parler de sexe, d'ailleurs. J'ai envie de la prendre dans mes bras, j'ai envie d'être dans les siens, j'ai envie de l'embrasser dans le cou, tu vois, je sais pas. Et je sais que ça n'a aucun sens, ce que je dis, puisque je pourrais très bien n'avoir aucune envie physique pour cette personne et ressentir de l'amour. Mais après, du coup, comment expliquer, en fait Enfin, il y a un peu ce truc qui... dont on n'arrive pas à se défaire, j'ai l'impression, même dans les gens polyamoureux, ce qui est l'intime, il devient toujours forcément plus... Enfin, dans l'esprit des gens, toujours plus hiérarchique, tu vois, enfin, genre, a plus de valeur, parce que, du coup, tu partages certains types de choses avec d'autres que tu t'autorises pas ou que tu fais pas avec d'autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se demander... comment ça naît, etc. Et comment ça se défait aussi, parfois super vite. Et avec d'autres personnes, donc ça reste vraiment stable. Enfin, je sais pas si dans toutes tes relations polyamoureuses, t'as le même rapport à l'intime. Non, pas du tout. Ouais, c'est pas du tout le même rapport. Et effectivement, mais je pense que le polyamour, enfin, il y a une période de déconstruction, mais il y a juste un moment donné où aussi ça s'impose à nous. Et moi, ça s'est imposé en rencontrant la personne qui est ma meilleure amie. Mais on s'est rencontrés, on s'est hyper bien entendus, mais on est aussi tombés amoureux à cette période-là. Et c'est un truc hyper bizarre du fait qu'on était amoureux, on l'a su très vite, et pour autant, il n'y avait pas du tout de relation intime. Et pour autant, le fait qu'il n'y ait pas de relation intime nous a jamais fait remettre en question le fait qu'on était amoureux. Et pour moi, ça a pas aucune importance, les relations intimes, bien sûr que non, mais juste ça conditionne pas l'amour qu'on pourrait porter aux gens, et ça le rend pas plus fort ou plus important. Enfin, c'est des trucs qui sont hyper distincts, et à contrario, je pourrais avoir des relations intimes avec des personnes que j'aime, enfin, pas du tout autant que des personnes avec qui j'ai pas de relations intimes. Enfin, pour moi, c'est des choses en fait hyper distinctes, quoi. Et puis même dans les relations intimes, il y a une façon de les vivre, oui, etc. Enfin, moi, je sais que dans toutes les personnes que j'ai aimées dans ma vie, il n'y a aucune personne que j'aime de la même façon, enfin, à des degrés, que ce soit dans les amitiés ou dans les amours, enfin, c'est un peu comme si je comparais genre l'amour que j'ai pour ma sœur avec l'amour que j'ai pour ma mère, qui sont des amours incommensurables les deux, mais j'aime pas du tout la même façon ma mère que ma sœur, et il y en a pas une qui est plus importante. Et... Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est... Après, plus... je pense qu'il y a un truc où je me pose moins les questions parce que la société m'a renvoyé le fait que de toute façon c'était familial, donc c'était plus stable, etc. Alors que pour les autres relations qui sont arrivées à tout moment aléatoirement dans ma vie, c'est plus instable du coup. Je sais pas si ça va être trop de fin, cette phrase. Et même en dehors de juste l'amitié, du coup, enfin, je pense que c'est important. Enfin, c'est cool d'avoir eu ces représentations aussi. Enfin, moi, je pense que dans le fait de pas vouloir d'enfant, il y a aussi le fait que j'ai l'impression que ça boufferait tout, toute la place et que ça laisserait beaucoup moins de, bah ouais, juste de place pour les amitiés. Et moi, c'est, enfin, c'est un truc que j'ai envie de développer pendant toute ma vie. Et sans que ça prenne le dessus sur toutes les amitiés. Enfin, je pense que quand, à partir du moment où t'as un enfant, enfin, forcément, ça te prend un temps que tu peux plus accorder à d'autres personnes. Et après, enfin, mes parents ont toujours eu des amis, mais je pense que, enfin, je sais pas, ouais, je pense que ça fait réellement partie du fait que j'ai pas envie d'avoir d'enfants, en fait. Je pense que j'ai d'autres trucs à développer et que j'ai envie de, enfin, en fait, j'ai envie, là, à l'heure actuelle, ma vie comme je la vis qui est d'être en permanence avec mes amis au point de ne plus savoir être seule, j'ai envie de que ça reste comme ça tout le temps, en fait. Et j'ai pas envie de remplacer ça entre guillemets par un autre amour. Et ouais, pareil, enfin, franchement, les quelques fois, je pense que j'ai pas ouais, cette, enfin, j'admire beaucoup, mais c'est une énergie, un truc, une responsabilité. Enfin, c'est pas un lien que j'ai envie d'avoir au quotidien, par rapport à des êtres plus fragiles et tout, plus vulnérables et tout, parce qu'en construction, pas parce que je les pense inférieurs, mais parce qu'en construction, etc. Et par contre, développer, enfin, les amitiés, genre, enfin, ça me, ouais, c'est ce qui nourrit ma vie et tout, et qui me stimule, etc. Et genre, c'est un truc là auquel je me sens bien plus apaisée, par exemple, dans FACA par rapport à ça, qui était que quand j'étais à Sciences Po, bah, j'avais des amitiés extrêmement fortes, mais en fait, je voyais que, enfin, tous les gens étaient dans des, petit à petit, enfin, aspiraient à une vie qui soit mono-amoureuse et à avoir des enfants ensuite et à reproduire un certain schéma où je savais que du coup, bah, à 30 ans, l'essentiel de mes potes allait être là-dedans. Et moi, j'étais, mais moi, en fait, j'ai envie de vivre avec mes potes, d'être en coloc tout le temps, et que nos colocs continuent. Et ça me, et en fait, j'ai encore deux, trois amis qui sont dans cette vibe-là. Et du coup, je sais qu'on va rester là-dedans. Mais du coup, bah, pour moi, c'est bien plus rassurant d'avoir des amitiés maintenant qui sont pas forcément ce truc de, on va avoir des enfants ou à être exclusif dans une relation amoureuse ou amicale ou quelle qu'elle soit. Et de savoir qu'en fait, genre, oui, on pourra toujours partager des trucs et vivre plus ou moins... Enfin, que genre, j'aurai toujours plus ou moins des personnes qui seront dans ces trucs-là et avec qui je pourrais partager aussi d'autres choses, comme le militantisme, etc. Et que je serai pas juste la personne toute seule à pas vouloir d'enfant, genre, à me dire... genre, la meuf relou, genre, qui, les week-ends, dit « Eh, vous on faites fait quoi ?»« Ben non, on garde les gosses ou on est machin et tout. » Et je serai là, genre, « Oh, c'est vrai !» Et du puis coup, c'est tellement, enfin, les amitiés pour moi, c'est, enfin, là en l'occurrence, les amitiés qu'on développe aujourd'hui, c'est tellement, en fait, ce qui me fait sortir de la société actuelle, enfin je vois et notamment là ok, attends, il faut que je remue cette phrase, mais il y a, enfin, c'est souvent ce qui ressort. Bon, je fais un parallèle lointain, mais enfin pas tant que ça. Genre à la fac, j'ai toujours 4 mois de vacances l'été, tu vois. Et souvent, le truc qu'on me dit quand je dis que j'ai 4 mois de vacances, c'est « Mais qu'est-ce que tu vas faire ? » Enfin, tu vas te faire chier, tu vois. Et je suis là, mais genre non, mais j'ai mes potes. Et pour moi, c'est 4 mois de... Enfin, en dehors de ma vie étudiante... C'est mes 4 meilleurs mois de ma vie. Et je suis heureux d'avoir réussi à développer d'autres trucs en dehors de la fac. Et même là, enfin, je vois que les cours à distance avec le Covid, ça a mis beaucoup de personnes très mal. Mais moi, ça m'a ouvert enfin genre une vie à côté, ça m'a permis de la développer d'autant plus. Et genre quand, enfin il y a beaucoup d'étudiants, bah après pour des raisons diverses, mais qui voulaient reprendre le présentiel, moi quand j'ai appris que je reprenais en présentiel, mais ça m'a mis mal, mais au plus haut point, parce que ça m'empêchait de garder cette vie extérieure avec les amis, qui me maintient en dehors de cette société dans laquelle je j'arrive pas à vivre. Et enfin c'est juste essentiel en fait, et enfin juste d'arriver à développer d'autres choses en dehors de ce que la société nous pousse à développer, genre le taf ou la famille. Bah c'est ça, ouais, c'est parce que de fait en fait ça croise tous les autres trucs, parce que pour avoir ce temps là enfin c'est enfin le fait même que en fait on passe du temps ensemble, enfin des amitiés qui se développent, c'est pas juste des amitiés où tu passes du temps en fait, vu qu'elle est construite aussi autour d'une vision du monde qu'on rejette et tout, bah de fait oui il y a un rapport au travail qui est différent, enfin genre on n'est pas forcément dans ce schéma où on veut un taf et tout, enfin on sait certains vont avoir plus de mal à en sortir parce qu'on a quand même été codifié et socialisé là-dessus, mais on est quand même dans un truc où on n'en fait pas vraiment une fin en soi. Ce qu'on veut, c'est survivre et avoir un peu un sens, etc. Mais en fait, le sens, enfin, on n'est pas en train de l'attendre un travail. En fait, on le trouve dans notre vie en militant, en cherchant la beauté dans les choses au quotidien et en faisant des trucs qui nous font vibrer, etc. Et tant qu'on peut vivre et kiffer, enfin, c'est ça qu'on aspire aussi, je pense. Et c'est pour ça que ce militantisme, il est fort aussi. C'est parce qu'on veut avoir le droit de dire, bah, nous, on veut exister autrement, et c'est pas juste exister autrement, pour des orientations, des identités et tout, c'est genre, exister vraiment, genre, foutez-nous la paix, en fait, genre, juste, et du coup, on se libère ce temps, et on se l'octroie, en fait, enfin. Et je trouve que c'est une vraie force d'arriver à en prendre conscience, en fait, de, enfin, tu sais, il y a toujours ce truc, enfin, il y a plein de personnes quand t'es au collège, lycée, qui se voient pas du tout travailler et qui se voient plutôt autre part ou à voyager ou quoi que ce soit. Et tout le monde rapporte toujours ça en mode, bah, c'est des trucs d'ado parce que t'as envie de faire autre chose. Mais enfin moi, quand je fais une rétrospective, genre vraiment, je n'ai jamais désiré travailler et je n'ai jamais pu rien que m'imaginer plus tard avoir un quelconque taf. Et ça m'a longtemps posé problème, et enfin pas mal de fois je suis allée voir une conseillère d'orientation Famux. pour savoir ce que j'allais faire de tout ça, et ça ne m'a jamais aidé, ça ne m'a jamais j'ai jamais réussi à trouver un taf que je voulais faire, et maintenant je suis dans un mood d'acceptation de effectivement je ne souhaite pas travailler, et c'est un fait et c'est comme ça, et moi c'est ce qui me correspond, qui est que enfin travailler n'est pas ce qui me rendra heureux. Et il faut savoir l'accepter, parce que enfin de nos jours d'arriver à penser à assumer le fait qu'on veut pas travailler, c'est quelque chose. Genre là je finis 5 ans de psycho et je sors avec un diplôme, j'ai sorti à ma mère là je sais pas il y a 3 jours que je voulais juste aller réparer des vélos à Budapest, enfin vraiment elle a dit quoi, genre aucun sens tu vois. Et en vrai, ils font ça, mais ils le savent, parce que depuis le début, nos parents, enfin moi, mes parents, c'était pareil, genre, ils étaient là, mais quoi, mais t'as Sciences Po, j'étais là, mais attendez, les gars, j'ai jamais dit que je faisais Sciences Po pour finir ministre, en fait, genre, je voulais juste, moi, ce qui m'intéressait, c'était faire de la socio, et les droits, et de comprendre comment fonctionnaient les trucs, et de lire des bouquins, et... Mais j'ai toujours dit que, voilà, enfin, je voulais faire mille et un boulot différent tous les jours, je kiffe, je voulais faire du théâtre, je voulais chanter, je voulais faire plein de trucs, et je veux toujours faire ça, en fait, au final, je vis ma meilleure vie, enfin, genre, je fais des podcasts, et c'est ça que je kiffe, et puis voilà, je... Et ça te permet de développer d'autres trucs, en plus, c'est un cercle vicieux de commencer à travailler, et genre, la dernière fois, je discutais avec mes collègues du stage, et je sais pas... J'ai un collègue qui me sortait en rigolant « Mais profite de tes 4 mois de vacances parce que bientôt t'auras plus que 5 semaines. » Et en fait, j'étais là « Wow !» Non, déjà, jamais non. Et en plus, en fait, c'est un cercle vicieux du fait de... ces 4 mois de vacances, moi, ils me permettent de faire tout ce que je veux et aussi de me penser moi-même. Enfin, je sais que les moments où j'avance le plus par rapport à qui je suis, c'est dans ces moments-là où j'ai le temps. Et du coup, en fait, le fait d'avoir que 5 semaines de vacances, c'est un truc... t'as pas le temps... pour développer d'autres trucs, et du coup le travail devient ton truc le plus important, et cercle vicieux, et en fait au point même où je pense qu'il y a des personnes qui se retrouvent le week-end sans leur taf et qui savent pas quoi faire parce qu'elles ont juste pas eu le temps de développer d'autres trucs, Et ouais, c'est juste un cercle vicieux et c'est important de s'accorder d'autres moments, quoi, en dehors de tout ça. C'est l'aliénation, ouais, c'est ça. C'est plus le voir comme, enfin, c'est plus exister en dehors de ça, et c'est le truc qui m'a plombé toute ma scolarité et tout. Enfin, à la fois, j'ai toujours aimé et tout apprendre, parce qu'en fait, je kiffe ça, apprendre au quotidien des trucs. Mm-hmm. Genre, il y a que ça qui me booste vraiment, c'est ouais. découvrir des nouveaux trucs. Mais en fait, par exemple, les deux premières années de Sciences Po, c'était incroyable parce que, et enfin, j'apprenais, je découvrais tout un tas de matières et tout, et découvrir la socio, c'est quand même incroyable. Mm. Mais, après, genre, ça devenait, quand j'ai commencé à taffer pour des matières qui me stimulaient plus ou qui étaient pas mm-hmm. intéressantes, et que, genre, je voyais toutes les limites de ça, et qu'en fait, je voyais que je pouvais goûter à d'autres trucs qui m'amenaient beaucoup plus loin par d'autres écrits, etc. Et notamment que j'ai découvert en partant à l'étranger, et que j'ai découvert d'autres autoristes, etc., qu'on ne nous enseignait pas. Et que le voyage aussi m'a appris plein d'autres choses, et que par mes rencontres, à l'étranger, j'apprenais, je découvrais beaucoup plus de trucs que ce que je découvrais en cours. Mmh. Mais après, ça a été l'enfer, les deux dernières mmh. années de master. Enfin, je pouvais plus supporter d'être, de devoir rendre, enfin, en fait, mon temps pour rendre des dissertes sur lesquels qui m'intéressaient pas, sur des sujets que je trouvais, mais genre, de la branlette intellectuelle, etc., et qui étaient pas du temps où je pouvais lire des romans ou des essais sur des trucs qui m'intéressaient, ou voir des films, ou être avec, ou avoir des discussions mmh. avec mes amis et tout. Et j'attendais qu'une chose, c'était, ok, finir les partiels et finir ça, et pour mmh. l'été après, pour pouvoir revivre, etc., et refaire la musique et refaire ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, genre, tous ces trucs, genre, j'ai dû mettre de côté le théâtre, la musique, la lecture, enfin, des choses qui me sont hyper importantes, même mes amitiés, etc., mes relations amoureuses et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait, genre, je veux plus ça. Et c'est pour ça que quand on me dit, bah ouais, mais tu pourrais refaire, je sais pas, genre... des études à l'IRTS ou des trucs comme ça pour avoir un diplôme pour bosser dans le social, pour faire les mêmes genres de trucs, en fait, j'ai déjà les capacités de le faire par mes mmh. diverses expériences, mais non, enfin, je vais pas me rebuter mmh. à apprendre des trucs qui, alors que j'apprends déjà bien assez au quotidien par plein d'autres choses, et je veux plus ça, enfin, ouais, moi aussi, ma meilleure vie, c'était les vacances d'été, et là, bah, du coup, c'est comme des vacances d'été un peu... tout le temps que ça. J'ai, enfin, genre, j'ai juste besoin d'avoir un minimum de fonds parce que pour l'instant je peux pas vivre en autonomie, mais mais j'ai le même sentiment, genre là, enfin, du coup, c'est ce que je disais quand les cours ont repris en présentiel, enfin, j'ai tellement eu la sensation, je sais pas, pendant ces 3-4 mois, je sais pas combien de temps ça a duré, ce confinement couvre-feu, enfin, en tout cas, où les facs étaient fermées, mais j'ai eu tellement la sensation d'apprendre tellement plus sur la vie en 4 mois que ce que j'ai pu apprendre en 5 ans de psycho, que, enfin, quand vraiment ça a repris, j'étais là, mais en fait, je fais un bond en arrière dans ma vie, enfin, j'ai, enfin, en 4 mois, c'est bon, j'ai évolué, j'ai pas besoin de revenir en arrière là-dessus, et j'avais l'impression de régresser, en fait, parce que, enfin, en fait, la fac, tu crois que t'apprends la vie, mais t'apprends une certaine vie, et certainement pas, encore une fois, celle qu'on veut, et celle à laquelle on aspire, donc, ouais, il est temps que, enfin, là, enfin, pareil, ces deux dernières années, elles sont très compliquées pour moi. Je le fais pour finir, pour avoir mon diplôme, et au moins ça c'est fait, mais c'est extrêmement compliqué. Enfin, je me plais plus du tout dans mes études, quoi. Voilà déjà une bonne dose d'amour pour cette première émission. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux fins de l'amour, à la question des ruptures et ou de l'évolution de nos amours, qu'on les étiquette de romantiques ou d'amicaux. Nous reviendrons sur l'origine et les concordances possibles ou non, les différents degrés d'intensité de l'amour, notamment en approfondissant les liens possibles avec certaines neuroatypies ou des troubles particuliers. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez vous aussi participer. Le sujet, on le sait, est de toute façon sans fin. Bonne semaine. Elles avaient 15 ans quand elles se sont rencontrées. L'innocence sous les paupières, un cœur vierge d'aimer. Elles avaient 15 ans quand elles se sont embrassées. Devant papa et maman, disaient qu'elles allaient se marier. Elles avaient 15 ans dans ce lit, bien trop grand pour elles, et puis à 15 ans et demi, elles avaient déjà tout construit. Pensaient naïvement au nombre de leurs enfants, il y en aurait deux. Elles fermaient les yeux et se prenaient au jeu. Elles voulaient faire comme les grands, alors que les grands ne savent pas s'aimer. Elles regardaient des vidéos de vieux qui s'embrassaient pour minutieusement les recopier. Elles habitaient presque ensemble, se voyaient même dans le noir. Quand l'une devait aller à l'école, l'autre l'attendait. Une heure de bus pour aller se chercher. s'enlacer devant leur lycée. Elles partageaient tout, avaient créé un groupe de musique. Elles pensaient qu'elles allaient percer alors qu'elles avaient au max 900 clics. Basique. Elles se sont promis des choses incroyables. Elles s'offraient des cadeaux avec tout leur argent de poche. Elles trouvaient toutes les autres filles moches. Tout le monde savait qu'elles fonçaient droit dans un mur, mais c'était pas grave car elles avaient 15 ans quand elles se sont rencontrées. L'innocence sous les paupières, un cœur vierge d'aimer. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. À bras le corps.